Eh bien bonjour à tous, Jérôme aux commandes de ce nouveau numéro de la boîte à BO. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons donc passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales de films. Et bien sûr, comme chaque semaine, Francine est présente. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Alors, au programme aujourd'hui, nous écouterons les bandes originales de L'été meurtrier, 12 Years a Slave, Good Morning Vietnam, American Beauty et Les uns et les autres. Parfait Francine, eh bien retrouvons-nous dans quelques instants pour cette belle programmation. Alors commençons comme d'habitude par notre première séquence, la BO coup de cœur avec L'été meurtrier, un film dramatique réalisé par Jean Becker et sorti, et oui, déjà en 1983. Dans ce film, Isabelle Adjani joue le rôle d'Eliane, une jeune fille sensuelle et aguicheuse qui emménage dans un petit village de Provence avec Gabriel, son père adoptif paralytique, et sa mère Eva Braun. La jeune femme fait alors la rencontre d'un pompier volontaire du village, surnommé Pimpon, et interprété par Alain Souchon, dont elle finit par tomber amoureuse. Il s'avère qu'Eliane est le fruit du viol de sa mère par trois inconnus, et parmi ces violeurs, il y aurait le père de Pimpon ainsi que deux autres personnes. Mais Jérôme, il me semble qu'Isabelle Adjani n'était pas très partante au départ pour ce rôle. Oui, Francine, tout à fait. Le rôle de la jeune fille avait été écrit dès le départ pour elle, mais face à ses réticences, notamment en raison des scènes de nu, Jean Becker s'est tourné vers Lio, Jeanne Mas et Valérie Caprischi comme second choix. Alors Valérie Caprischi y est même allée jusqu'à apprendre et répéter le rôle, mais Adjani changea d'avis au dernier moment. Et donc à la sortie du film, le film connut un grand succès avec une seconde place au box-office totalisant plus de 5 millions d'entrées, juste derrière Les dieux sont tombés sur la tête. Alors nommé 9 à 9 reprises, L'été meurtrier remporte 4 Césars en 1984, meilleure adaptation, meilleur montage, meilleur second rôle féminin pour Suzanne Flon et évidemment meilleure actrice pour Isabelle Adjani. La musique est signée Georges Delru, mais dans ce film, certains morceaux sont incontournables, comme par exemple Les Roses de Picardie, un titre écrit par un compositeur anglais, Aidan Wood, en 1916. Écoutons donc cet extrait, Les Roses de Picardie. Voilà, après ce premier extrait de L'été meurtrier, nous voulions vous proposer un second extrait parce que L'été meurtrier, c'est aussi l'occasion d'entendre une chanson interprétée par Yves Montand et il nous semblait indispensable de vous la faire écouter. Trois petites notes de musique. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans cri égare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime chanter la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie. Et tu ne l'as pas cueilli. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La la la la la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Alors, on va passer maintenant à la BO Émotion avec 12 Years a Slave, film américain réalisé par Steve McQueen et sorti en 2013. Alors, 12 Years a Slave est inspiré d'une histoire vraie. Il est en effet adapté des mémoires de Solomon Northup, kidnappé alors qu'il était un homme libre et soumis à l'esclavage pendant 12 longues années. Et je crois que Steve McQueen était donc très sensible à ce thème de l'esclavage. Oui, avant même d'avoir lu le livre, Steve McQueen souhaitait déjà pouvoir réaliser un film traitant de l'esclavage et de ces Noirs livrés illégalement dans le Sud. Sa femme lui fit alors découvrir les mémoires de Solomon Northup. Pour lui, ce fut la révélation. Et il va jusqu'à dire « Pour moi, ce livre, récit incroyable d'un homme plongé dans un monde d'une inhumanité absolue, est aussi essentiel à l'histoire américaine que le journal d'Anne Frank l'est à l'histoire européenne. » La bande originale a été composée par Hans Zimmer, avec les morceaux de violon écrits et arrangés par Nicolas Britell, qui est un jeune compositeur américain qui a notamment reçu l'Oscar 2017 pour « Moonlight ». Et la BO contient également quelques morceaux de musique classique occidentale, de folk américain et des morceaux d'artistes comme Alicia Keys. Écoutons donc un morceau composé par Hans Zimmer, Salomon. Alors, l'ambiance du film traduit forcément la souffrance par les esclaves, et c'est pendant l'esclavage que se développe le spiritual, une musique vocale et sacrée à l'origine du gospel. Jordan Roll est repris dans le film et fait partie des classiques. Écoutons donc ce morceau très fort et plein d'espoir. Jordan Roll. Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I woke the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now I'm roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year old Jordan roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO, l'occasion d'écouter ou de réécouter de très belles bandes originales. Et justement, passons maintenant à la séquence BO comédie avec Good Morning Vietnam, un film de Barry Levinson sorti en 1988. Alors ce film se déroule en 1965 au Vietnam où un nouveau DJ-jockey, interprété par Robbie Williams, est envoyé pour animer la radio des forces armées et distraire les soldats. Son ton frais et irrévérencieux le rend vite populaire aux yeux des militaires. Alors cette histoire est basée sur l'expérience d'un véritable disc jockey américain ayant eu du succès avec une émission de radio empreinte de musique rock'n'roll sous la radio des forces armées américaines. Alors le film a été un grand succès commercial, ce qui le place au quatrième rang des films sortis en 1987 aux États-Unis. La bande originale du film est remplie de chansons anciennes ponctuées par les routines comiques maniaques de Robin Williams. L'ensemble est bien rythmé et permet d'évoquer le milieu des années 60. Écoutons donc un morceau où Robin Williams est extraordinaire dans cette scène, « I Feel Good » de James Brown. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice. I feel feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, and I feel good. I knew that I wouldn't. Projecteur sur maintenant American Beauty, un film réalisé par Sam Mendes, sorti en 1999. Alors le film raconte l'histoire d'une famille, banale au premier abord, mais qui se déchire de plus en plus. Le scénario est centré sur le père de famille, un directeur de publicité dans la crise de la quarantaine, qui est attiré par la meilleure amie de sa fille. De son côté, sa femme le trompe avec un agent immobilier. En Amérique du Nord, American Beauty reçoit de bonnes critiques de la presse et des spectateurs. C'est le premier film financé par DreamWorks à obtenir l'Oscar du meilleur film en 2000. Mais il reçoit d'autres récompenses. Meilleur réalisateur pour Sam Mendes et meilleur acteur pour Kevin Spacey. C'est le compositeur Thomas Newman qui a été choisi pour illustrer ce déluge d'images à la fois déconcertantes et poétiques. Une musique simple où guitare et flûte illustrent le paysage charmant et paisible où vit notre petite famille apparemment bien tranquille. Écoutons donc sans plus attendre un extrait d'American Beauty, musique envoûtante qui retrace bien l'ambiance du film. Thank you. c'était un extrait de la musique du film American Beauty. Eh bien, on va terminer maintenant par donc la BO musicale avec Les Uns et les Autres, un film réalisé donc par Claude Lelouch, sorti en 1981. Le film retrace l'histoire de trois générations unies par l'amour de la musique et de la danse de l'entre-deux-guerres aux années 80 dans quatre pays, France, Allemagne, Russie et États-Unis. Les quatre histoires se rejoignent dans la scène finale, un concert donc à Paris sur fond de Boléro de Maurice Ravel pour la musique avec une chorégraphie de Maurice Béjart. Je crois que le film est très long, 3 heures il me semble, et le casting est incroyable, Jérôme. Et c'est vrai que souvent pour les films de Lelouch, les films sont assez longs, et oui tout à fait, il a réussi à regrouper pas moins de 120 comédiens, 200 danseurs et 10 000 figurants. On y retrouve notamment Robert Hossein, Nicole Garcia, Géraldine Chaplin, Fanny Ardant, Francis Huster, Evelyne Wix, Jacques Villeray et évidemment bien d'autres. Alors la musique est bien entendu signée Francis Lai, le compositeur fétiche de Claude Lelouch, mais il travaille également en collaboration avec Michel Legrand pour ce film. Retrouvons donc tout de suite ce morceau que vous connaissez sans doute de Francis Lai, extrait du film Les Uns et les Autres. bien, c'est sur la musique de Francis Lai, Les uns et les autres, un film de Claude Lelouch, que cette émission se termine. J'espère que cette émission justement vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir ou à réécouter certaines musiques de films. Alors n'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coups de cœur. Eh bien, Francine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.